Les accros, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Rétro Gamer PQ. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 11 février 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien, et toi? Fatigué par exemple en ce lundi 11 février, mais ça va bien. Moi, ça va quand même bien. Une fin de semaine qui était assez chargée, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Marie-Lune, toi, ta fin de semaine, comment ça s'est passé? Oups, excusez. Pas mal la même affaire que toi, mon cher Big Ben, en fait. Parce que, voyez-vous, on vit dans le même appartement, donc c'est... Mais en fait, on a fêté d'avance l'anniversaire de Big Ben, qui va avoir demain 28 ans. Bonne fête, Big Ben! Wouh! Merci, merci. C'est tout jeune. Il y en a des beaucoup plus vieux que moi. Danse-moi! Ben, je pense que vous trois, vous êtes plus vieux que moi, fait que... C'est ça qui arrive. C'est le bébé. C'est une déchet... Ben non, je suis pas le bébé des accros, c'est Riviosa qui est notre bébé. Ah, c'est vrai. Il est très bien plus jeune que nous. That is actually funny. Very funny. Pourquoi ça? je m'en ai parti, moi, là. Ok, ben, vas-y, pars, pis... C'est vraiment très drôle. On se comprend. On t'aime. On t'aime, c'est... Rétro, toi, quoi de neuf? Ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu sur le podcast. Mais c'est de ta faute, ça. Pourquoi c'est de ma faute? Si tu m'as rembarqué dans WoW, là. Ben là, c'est à toi de pas rembarquer, man. C'est ton choix. C'est toi qui fais tes propres choix, hein, en passant... Je t'ai pas acheté le jeu, hein. C'est toi qui es allé de ton propre chef. Ouais, je sais, mais quand t'as un bon incitatif de jouer avec des gens si agréables, donc t'as pas le choix. Hein? Oui, on a réembarqué dans WoW, puis Rétro, puis moi, on se tape une fois de temps en temps des vieilles instances pour essayer de ramasser des pets et également du gear, parce que moi, je veux faire du transmute sur mon nouveau gear quand je vais être rendu 90. Faut que j'aille de la gueule lorsque je vais me parler. Bien important d'avoir l'air de quoi de hot. Et oui, effectivement, je vais avoir du T1 et du T2, fait que... Il va avoir de la hot parce qu'il va avoir du feu sur moi. Oh! Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous jouez? À part... Wow! T'es-tu capable de jouer à d'autres choses? Ta face aux mille mots! Alors en ce moment, il y a de la très très déçue de ne pas pouvoir jouer à d'autres choses que WoW, malheureusement. Non, mais en fait, j'ai commencé Alice Madness Return sur Xbox 360. Il est bon, hein? Il est un très bon jeu. Puis aussi, je vais me lancer dans Dead Space 2 aussi, parce que je l'ai eu une fermeture d'un club vidéo. Donc, pas cher. C'était très bien. Ouais, puis il me reste Assassin's Creed 3 à commencer aussi, mais il est encore emballé. Là, fait que, je vais commencer par les deux autres que je viens de mentionner avant, puis on verra. Puis je me tape une vidéo pour les fans de Retro Gamer PQ qui est Resident Evil 2 sur le Nintendo 64. Oh, yes. Ça va être très bon parce que cette version-là était un petit peu différente de la version PlayStation. Mm-hmm. Toi, PL, qu'est-ce que tu joues ces temps-ci? C'est plus que à ce plus à ce quoi jouer. Je planifie jouer à me retaper les No More Heroes, Resident Evil 4. Ben, j'ai commencé à jouer à Resident Evil 4. Sinon, je joue beaucoup à ma DS et beaucoup à des jeux que j'ai téléchargés. Comme récemment, j'ai téléchargé un nouveau jeu qui s'appelle Dark Spirit, qui est un old school qui a les tendances de old school shooter style Gradius, que tu joues des créatures et tu as des power-ups. C'est tellement le fun! Hey, je trouve que ce genre de jeu-là revient à mode ces temps-ci, c'est-tu moi ou... Pas juste ça, c'est aussi le fait que c'est facile pour les nouveaux concepteurs indépendants de concevoir ce type de jeu. Et c'est un concept qui aussi a pas été... ça fait mal que ça n'a pas été innové. Alors les gens, justement, cherchent à faire des nouvelles idées avec ça. s'ils le peuvent. Il y a une opportunité puis un marché encore pour ça, effectivement, tu as raison là-dessus. Sinon, comme dans la critique, Liberation Maiden, je t'apprends le finir. Sérieux, là, tu me donnes envie de l'acheter. C'est... J'ai vraiment envie, là. Un peu répétitif, mais il est vraiment le fun. T'as quelques soumissions qui font que ton expérience est différente, mais il est vraiment le fun. C'est vraiment, tu m'as impressionné. Puis c'est un jeu que, genre, ça n'a vraiment pas été sur le radar, là. On n'a pas vraiment entendu parler, là. Je te dirais, écoute, il y a plein de jeux que si tu fais, si vous faites votre. Si vous naviguez à travers votre e-shop, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas tant de jeux qui sont. Qui ont la publicité qu'ils devraient avoir, et pourtant, vous voyez qu'il y en a qui sont populaires, mais qu'on ne connaît pas, comme Mutant Mud. Tu connais ici Mutant Mud? Oui, c'est bon. J'ai entendu parler, mais j'ai pas joué encore. Puis, Excuse-moi? Il dit, Retro sans savoir c'est quoi Mutant Mud? Oh oui, je sais quoi. Je l'ai sur 3DS. Alors, Mutant Mud, pour faire un résumé ben vite, ben veux-tu le faire ou tu veux que je le fasse, Retro? Non, vas-y. Ok, mais dans le fond, c'est comme un style contrat, à part que c'est sympathique, c'est que vous jouez à un nerd. Qu'est-ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est qu'il exploite beaucoup la jouabilité de jouer sur trois plans, soit à l'arrière-plan, soit au plan du milieu, soit à l'avant-plan. Ok. Ça, c'est que lui est original et se démarque des autres. Ok, donc le style de gameplay est très très différent. Ben, c'est ce qui est le fun avec la plupart des jeux indie, c'est qu'ils poussent vraiment la créativité à des limites totalement différentes. Juste à penser à Fez. Oui. Le principe de Fez est tellement génial, c'est pas. Ça n'a pas été reproduit depuis. Allô? Bon, moi je suis là. Ok, l'autre. Non. Parce que le monde me répondait pas, fait que je passe. Je pense que j'avais perdu la connexion quelque part. C'est ton exposé. Ok. Mais c'est ça, c'est des excellents jeux que les indies, qui nous te demandent. Si tu leur commandes, je vais sûrement regarder ça parce que je vais avoir des sous. Ça va vraiment m'emmener. Ben, Arilyn, à quoi tu joues, toi? Oh, elle a pas son micro encore? Oui, j'ai mon micro, je suis désolée. Mais, ce que j'ai personnellement, je joue beaucoup, comme Monsieur Retro Gamer Pico, je joue beaucoup à World of Warcraft. D'ailleurs, mon mage Pandaren est rendu niveau 40! Wouhou! Wouhou! Mais, je ne joue pas qu'à ça. J'ai découvert cette petite chose ici. Mais c'est Scribblenauts! Ouais! Super Scribblenauts. En fait, c'est un cadeau de mon très cher Big Ben, ici présent. Et moi. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, mais j'aime beaucoup le principe. Donc, ça va peut-être être une future critique. Si les gens le demandent avec enthousiasme, ça va probablement être une critique prochaine. Donc, Il y en a déjà un, je pense, en tout cas, sur notre chat en ce moment. Notre cher rétro qui aimerait peut-être ça. Ah ben, déjà une bonne... C'est déjà très enthousiaste pour moi, donc... Bon, c'est là. Ben, moi, de mon côté, fameux WoW a pris beaucoup de temps avec moi, malheureusement. C'est donc Portal 2. Je joue beaucoup à Portal 2. Sérieux, je capote. C'est tellement le fun comme jeu, là. Juste de se casser la tête pour essayer de résoudre le puzzle, c'est tellement le fun. Sinon, ben, j'ai eu des cadeaux de ma chère Marilyn qui m'a offert des cadeaux pour ma fête. Elle m'a acheté Assassin's Creed Brotherhood que j'avais pas encore joué. Fait que je vais m'y mettre lorsque j'aurai fini les trois autres jeux qu'elle m'a acheté. Elle m'a acheté la trilogie des Mass Effect. Et dans ceux-là, il y a des DLC en plus, fait que ça risque de me prendre énormément de temps. Parce que mais c'est tellement bon. Sérieusement, hier, j'ai peut-être joué un gros 5 heures à ça, puis je capote. C'est une de mes séries préférées, puis j'ai tellement hâte parce que là, elle me l'a acheté sur PS3, en plus, parce que j'ai décidé d'avoir les versions PS3 pour la trilogie, parce que mon Xbox 360 n'est pas connecté sur Internet. puis vu que mon PS3 l'est, fait que je vais pouvoir probablement je vais pouvoir jouer en ligne pour le troisième. Fait que ça va être cool de faire des batailles en multijoueur aux trois, là. Ça va être vraiment nice. Sinon, à part ça, ben là, je me lance dans le podcast de la semaine prochaine parce qu'il faut se préparer d'avance. Alors, j'ai été chercher ça tantôt. Adventure Time! Et c'est... Mais on va... Est-ce qu'on peut faire la première impression? Moi, je peux te dire que vraiment, Adventure Time, c'est flyé. C'est très flyé. Marie-Lune, elle n'a pas encore vu. J'ai hâte d'y montrer. Moi, j'ai vu un épisode, puis je trouvais ça vraiment fucké, là. C'est Mais flyé. c'est fucké, mais c'est bien fait. Sérieusement, là, moi, j'ai hâte de... Je vais vous donner des nouvelles la semaine prochaine, parce qu'on va vraiment y aller dans le fond de cette histoire-là, mais de cette série-là qui est rendue mythique aux États-Unis, là. Mais en ce moment, là, j'ai des très bons feelings. Ça va être très bon. Mon cher rétro gamer qui me regarde avec des yeux croches pour me dire je te crois pas. C'est ça? Non, c'est son imitation de. Non, j'ai eu des moments de lag, fait que j'ai pas suivi la conversation. Ah, Ah, ok. shit, ouais. Oh, il lag. Je vois laguer, là. Ah, lui. Fait que, ben écoutez, on va embarquer de suite dans les nouvelles, parce qu'il y a quand même des grosses nouvelles qui sont passées la semaine passée. Surtout avec les nouvelles consoles, les rumeurs sont nombreuses et ça a beaucoup jasé sur le forum des accros par rapport à ces rumeurs-là, parce que, veux pas, ça fait jaser. Alors, on commence avec la nouvelle Xbox qui a annoncé ce qu'il y avait. Ben, pas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais on a des news. Mais des rumeurs de ce qu'il risque d'avoir dedans. Puis j'aimerais avoir vos impressions, la gang, parce que s'il y a des choses là-dedans qui me font vraiment envie d'aller aux toilettes, pour pas dire chier. Pas grave, je le dis. Fait que, ben écoutez, premièrement, ben, il va y avoir un lecteur Blu-ray dedans. C'est correct. Il va y Oui. avoir une nouvelle version de la Kinect. C'est correct. Whatever. Je m'en fous, je joue pas avec. Il va avoir un processeur AMD de 8 cœurs qui roule à 1,6 GHz. Wow. 8 GB de RAM. Puis il y a les rumeurs que j'aime pas pantoute. La console va être connectée en permanence sur Internet. Donc, c'est dire que Arc. tu vas être obligé d'avoir l'Xbox, être abonné au Xbox Live Gold ou Xbox Live Whatever, ou sinon tu ne peux pas jouer à ta console point final, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça voudrait C'est dire. ce que je comprends. Oh, Et ça veut dire pas d'Xbox. Ouais. ouais, à peu près. Et joue pas les jeux usagés. Pas d'Xbox pour moi. Pas d'Xbox pour moi non plus. Et une autre bullshit, là, une nouvelle. Là. Ben, la Kinect va être obligatoire sur la console, donc tu peux pas avoir une Xbox sans Kinect. Con. C'est vraiment con. Non. Et la dernière nouvelle, que je trouve vraiment cave, le modèle de la manette va ressembler à celle de la 360, c'est correct. J'aime les manettes de la 360. Mais tu peux pas utiliser les manettes de 360 parce que ça a l'air que c'est pas la même technologie de fil, mais de sans fil. Bullshit! Bullshit! Voyons donc! Voyons Hey! donc, toi! C'est N'importe ridicule, quoi. voyons! Tu sais, même Nintendo fait que les vieilles manettes fonctionnent. On pense à les manettes de Nintendo, GameCube comprends ce qui marchent sur la principe-là. Wii, ou bien tu vois les manettes de Wii qui marchent sur la Wii U. Tu sais? C'est juste la Wii U demande à avoir la Wii Motion Plus. C'est la moindre des choses. Ils vendaient genre quasiment à Star, ils donnaient, là, tu sais. Ou bien tu vas te chercher C'est un ça. capteur d'attitude, tu sais. Non, c'est ça. Fait que. C'est vraiment de la merde. Tu dis? Effectivement, je trouve, je le dis, ça vient de me décrocher en tout cas. Si c'est ça qui annonce réellement, là, ce qui arrive, là, parce que là, c'est des rumeurs, on est au stade de rumeurs. Mais si c'est ça, Pour c'est voir la réaction. oubliez-moi. Ça aussi, là, pour qu'ils font, ah, ben, il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça, puis c'est pour avoir les réactions, puis ensuite tweaker leur console. Ben, écoutez, pour le Blu-ray, ben, vous êtes en retard, messieurs. Mais en même temps, bon. On se rappelle encore du lecteur HD-DVD. Ah, Seigneur, sans commentaire. Ça même pas t'a fait un an, ça, l'HDDB. Ça pas t'a fait un an, puis le monde essaie de s'en débarrasser. À ce temps, ça aurait tellement rendu la norme bêta. Oh my god. Oh my god. Pour Puis Microsoft qui n'a jamais eu avantage à imiter Sony, ben là, il essaie d'imiter Sony avec oh ben jeu usagé, jeu de seconde main, juste non, non, non, non, non, tu pourras pas jouer à ça. Ben là, tu viens de ruiner l'expérience de gaming, là, mon vieux, non. Je pense que Itimi ou Claire est dans le podcast. Qu'est-ce qui rend le gaming si populaire depuis les 10 dernières années minimum? C'est justement le fait qu'on peut jouer à des jeux usagés. Ben Ça qui permet de garder une collection puis de se proclamer que collectionneur puis de maximiser son expérience de joueur. je vois pas l'intérêt d'avoir une console pluguée sur Internet en permanence pour pouvoir jouer au jeu, là. Sérieux, tant qu'à ça, je vais me faire un PC de salon avec Steam dessus, là. C'est un bon argument, ça. Exactement, aussi, là. C'est un très bon argument. C'est Je la vois pas même affaire. l'intérêt. C'est parce que selon moi, ils ont vu l'idée qu'ils ont faite avec Diablo 3. Ils ont fait « Hey, c'est une maudite bonne idée! On va le faire! T'es aimé très bien, Ben. » Oui, t'sais, imaginez une gang là, tout ensemble dans une salle de conférence. « Hey, moi je te rajoute ça dans la console! Hey, maudite bonne idée! Hey, man. Tout est hot, man. » Oublie pas la cotisation à payer au motard en plus. J'ai l'air d'avoir Repos fumé un paquet de cigarettes d'intimidation, par jour. Claire! Ah! Oh, je vous jouerai pas des jeux usagés, compris? Les jeux usagés, c'est le mal, voyez? Comment sortir une côte de South Park? Marie, tu viens de réussir. Elle était vraiment bonne. Oui. Sérieux. Merci, merci. Marilyn, faut que tu sois là à chaque podcast. En Je vais disant essayer. sinon, pour côté PlayStation, il n'y a pas ben ben de nouvelles qui ont apparu, mais on sait que c'est mercredi qu'il va avoir le. Mercredi ou jeudi qu'il va avoir le spécial live de la PlayStation 4. On devrait avoir une annonce qui doit être faite. Il Live reste sur pas le Internet. 20? Ça me j'ai vu 18. Ça se peut... Ah non, peut-être. Le 20 là, J'ai vu Le le 20. 20, oh, ça se peut fort bien. C'est pas la semaine prochaine? C'est autre chose à considérer? Parce que moi, en tout cas, sur. En ce moment, oui, shame on me, je suis sur le site de PlayStation. Non, pas PlayStation, jeuxvideo.com. Ils Ouais. disent que mercredi 13 février à 17 h, on va avoir un thème PS4. Il va avoir un Ah ben. direct live. Donc, ce serait mercredi, Mais ça, selon eux autres. c'est jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, qui sont. Ah. Mettons, tu sais, oui, c'est de la merde là, comme site, là, mais des fois, ils en sortent des bonnes, tu sais. C'est quoi, ils font des bonnes, oui. Mais ils en sortent de la mauvaise. Ça, je leur donne ça. Je me rappelle quand ils ont essayé de faire la chronologie du temps de Zelda, Oh my puis eux God. autres croyaient pas ça que Ocarina of Time faisait splitter l'histoire. Eux autres pensaient tout que ça se continuait en ligne continue. Je pense que si N'importe quoi. les accros veulent voir la meilleure vidéo pour expliquer la chronologie de Zelda, ben c'est la chronologie de qu'a dessiné en fait James Rolfe, The Angry Video Game Nerd. Pas tant que ça, je te dirais que la celle que j'aime plus, c'est Game Trailer. Ah ouais? Celle de Game Trailer, oui, c'est. Ah, c'est C'est intéressant. moins joke, là. Il n'y a pas de joke là-dedans, hein. Mais le gars qui l'a fait, là, vraiment, il a pris son temps, puis il a vraiment expliqué chaque point pourquoi que cette histoire-là devrait être placée là, pourquoi qu'il devrait être placé là. Puis en plus, il a rajouté des choses que j'ai l'impression qu'il avait oublié de faire lorsqu'ils viennent de sortir la nouvelle liste du temps, là. Parce qu'ils mettent des bouts, par exemple, de l'histoire de Zelda 2. Tu sais, t'apprends qu'il y a une princesse Zelda originale, genre, qui dort depuis des centaines de siècles. Que c'est Link qui va la réveiller dans le 2, ben il explique son histoire à elle en plus, qu'ils n'ont pas fait dans le Zelda, ben qu'ils n'ont pas fait dans la nouvelle ligne du temps qui ont sorti Nintendo. Fait que ben sinon en passant, il y a quand même d'autres nouvelles qui sont sorties au courant des dernières semaines. Fait que on va embarquer rapidement. Je vais aller avec Far Cry 4 qui devrait sortir plus rapidement que prévu. Parce que les concepteurs, ben, Ubisoft, ont dit qu'ils n'attendraient pas faire un autre 4 ans pour un autre Far Cry. Ils vont vouloir sortir la série un petit peu plus souvent. J'espère qu'ils n'auront pas le syndrome de Call of Duty d'essayer de sortir un jeu par année, là. Ce qui me fait peur. Mettons que j'ai une garantie de Call of Duty. J'espère, je touche du bois que les concepteurs de Far Cry vont prendre leur temps. Sinon, une autre nouvelle pour notre cher Retro Gamer, même s'il touche quasiment plus à ça. Les Skylanders sont rendus à 1 milliard de ventes. Oh, il touche encore à ça. Comme si ça m'étonnait. Wouhou! Il touche encore à ça, dans ma connaissance. Il me semble qu'il a acheté des nouvelles figurines de Skylanders Giants récemment pour embellir sa collection. Mais c'est Giger qui est en train d'en acheter, là. Il est en train de dépasser notre cher rétro, on dirait, là. Juste parce qu'il y a breakdown, là. Ça veut rien dire. En tout cas, ben c'est ça, il y en a acheté que toi t'as pas, je pense, hein, Sylvain? Sylvain? Ouais, je pense qu'il a buggé. On va peut-être le retrouver tantôt, là. Mais de Ouais. ce que je me rappelle, il me semble que Giger il avait réussi à en avoir une couple que tu voyais Sylvain sur le forum, là. Oui, rétro, c'est quasiment quelqu'un me dit M'entendez-vous? ah Ah, non, t'entends. je sais pas ce qui se passait là. Non, j'ai Sylvain? toujours des problèmes avec Google Plus sur ma tablette, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, Pour on toi, parlait de calendrier. Ouais, c'est ça. Excuse-moi? Moi, j'ai dit à Rétro, pourtant, t'as une tablette Samsung. Il y a une très Non, bonne mais tablette. ça n'a pas rapport à ça. Je sais pas. Ah, je pensais Il que faut je peut-être juste pensais la que c'était une caméra, caméra, peut-être. Si tu es capable de te Non, mettre juste c'est. en Je audio, sais pas. peut-être? Ça, je vais Ah! voir. C'est ça, juste ça, vu qu'on a dans le Continuez par sujet. là, je vais voir. Vu qu'on a vu le sujet, ça, je vais le mentionner parce que ça vaut la peine. Ty dit, il ne manquerait plus qu'il fasse un dessin animé sur les Skylanders et l'affaire est ketchup. Ça va C'est arriver. pas faux. Je suis sûr que oui. Ben, en fait, il prévoit de faire un film. C'est vrai, il y a un film qui voulait faire. Il prévoit faire un film. Intéressant. Mais ça sera pas, je pense qu'il planifiait ça quasiment pour 2017, si je me souviens, Sylvain. Ouais, c'est assez loin. Ouais. Ou si sinon c'est une série, mais je sais qu'il y a de quoi là, filmer. Moi, il faudrait que je m'y mette. Marilyn aussi, ça y tente beaucoup lorsqu'on passe dans le magasin. Les Scalanders nous appellent, les deux. Fait Personnellement, j'aime aussi le concept des calendars, mais je sais pas pourquoi j'essaie de pas m'entrer avec ça. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Ben, je pense que c'est la peur de voir qu'est-ce qui est arrivé à Sylvain et avec Giger par rapport aux Skylanders. Ils sont rendus quasiment à toutes les acheter au complet pour être sûr de les avoir, là. Oui, mais comme C'est quand on pas dirait. quasiment. Je veux pas être drogué encore une fois. Oui, mais comme. Dans ce cas, pas dans mon cas, c'est pas quasiment, mais... Mais surtout, toi, t'es un collectionneur, tu sais, t'es quelqu'un qui veut les avoir toutes. Moi, je sais que même si je les achète au complet, je suis pas quelqu'un qui va vouloir faire le jeu au grand complet. Fait que c'est comme ça qu'il m'arrête, tu Ouais. Moi, oui, moi, je suis Ouais, de c'est normal là-dessus. aussi. Je suis quand même avec Skylander, je me rends compte que c'est vraiment fun puis que l'autre bonhomme, il max, augmente mon expérience de gameplay. Moi aussi, vouloir me faire un budget puis me dépenser pour au-dessus de 1 000 $ pour les pour la collection. Puis je suis sûr Ouais. que ça vaut plus que 1 000 $ avoir la collection complète des Skylanders. Ta C'est trop. collection à toi, Sylvain, elle t'a coûté combien à peu près? Et hey, tabarnak. Beaucoup Sylvain, d'argent. OK, on a compris. Rétro Beaucoup Gamer n'est pas d'argent. autorisé à discuter de ce détail sans la présence de son avocat. C'est moi. C'est OK, non, mais ça implique beaucoup d'investissement, sérieux, parce que là, tu te dis, t'as le jeu de départ, une soixantaine de pièces, plus des figurines, 10 pièces chaque. Ouais, ça fait pas mal de cash, là. Je pourrais te garantir que date avec Giants, puis le premier jeu, ça m'a coûté un assez gros montant avec triple chip. T'aurais fini de payer ton mariage avant, tout de suite, t'aurais tout gardé ça de côté. Non, non, ben là, pas Pas à ce jusque-là, là, mais parce que mon point-là. mariage a payé beaucoup plus cher. Je suis pas sûre que Big Ben comprenne à quel point ça peut coûter cher vraiment un mariage. Non, je sais combien ça peut coûter cher. C'est pour ça qu'on n'est pas encore au complet. C'est pas de suite, nous autres. Mais non, c'est juste l'investissement qui me fait peur. C'est peut-être pour ça que je suis comme pas embarqué encore. Mais tu sais, moi je verrais les premiers, mettons, tomber pas cher, c'est sûr que j'embarquerais. Mais même les premiers sont aussi chers que les nouveaux. C'est comme ça que ça m'arrête, Ouais. là. Il y a une période durant les fêtes que les Spyro's Adventure étaient à 5 piastres, je pense. Cher. Oh! Et tu Et parles des c'est arrivé figurines ou le souvent, jeu? Laurent. La série 1, les figurines étaient à 5 piastres. Oh, c'est quand même bon. Très bon. Oui. Fait que, pour vous dire finalement que j'ai la chienne d'embarquer là-dedans. Mais bon, ça va Non, peut-être embarque-toi pas juste. là-dedans. Embarque-toi pas là-dedans si t'as pas un gros budget. Non, c'est ça. Là, de toute façon, j'ai déjà trois Mass Effect à passer, plus un Assassin's Creed. Fait que. Puis il va y avoir des soldes de Steam qui vont passer au printemps. Fait qu'oublie ça. C'est ça. bon, on va en parler les prochaines nouvelles. Il y aurait un retour de la série Legacy of Kain qui sont en train de se préparer peut-être tranquillement. C'est une rumeur, mais il semblerait qu'on reverrait un retour de Legacy of Kain. Ah ouais? Ah, c'est une bonne série. Très bonne série. Moi, j'aime les Soul Reaver, hein? Moi, tout. J'ai plus aimé Soul Reaver. Je trouvais que l'histoire, le personnage de Raziel, je le trouvais plus hot que Kain. Fait que ça serait peut-être quelque chose que j'attends avec impatience de voir une suite. Puis je les ai vus, ils sont sur Steam en plus. Je pense qu'ils, dans le temps des deals, durant le temps des fêtes, ils étaient comme à 2,5 piastres chaque. Ouais, ça se peut, ouais. Fait que j'ai comme failli. J'ai failli les acheter parce que je trouvais ça trop cool, mais là, j'ai hésité parce que j'ai quand même le 1 ici en PlayStation 1. Fait que je pourrais jouer au 1 pareil, là, mais. On va attendre. Sinon, à part ça, Obsidian, c'est le studio d'habitude qui s'occupe de faire des suites. C'est eux autres qui ont fait Knights of the Old Republic 2, c'est eux autres qui ont fait Fallout New Vegas. Ben, il y aurait un projet cet an-ci qui pourrait intéresser les studios de LucasArts qui appartient à Star et à Disney pour un nouveau jeu de Star Wars qui se passerait entre le 3 et le 4. Puis qui ça aurait rapport avec la chasse au dernier Jedi. Il y aurait un lien avec ça. OK. Moi, je serais content. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir une histoire qui se passera entre le 3 et le 4, puis voir comment que les derniers Jedi ont survécu, puis comment ils sont fait tuer, parce que je veux pas, ils restaient quasiment Obi-Wan puis Yoda tout seul, là. Mais de savoir qu'il en restait d'autres, c'est vraiment le fun. Je suis pas mal tout seul à aimer ça. Je suis pas mal pas Désolé, je suis pas un fan, fan de Star vraiment, Wars. non. Moi, étant jeune, j'ai bien aimé Star Wars. Là, j'ai trouvé. Le 1, 2, 3 m'a comme cassé le rythme. Sérieusement, j'ai comme moins aimé. Mais j'espère qu'avec Disney en main, puis un J.J. Abrams qui va s'occuper de la série, j'espère que ça va remonter. Ils vont nous offrir des meilleurs jeux, en tout cas. C'est dans mon espoir. Ça c'est mon espoir personnel. Sinon, à part ça, je vais passer rapidement, aller voir s'il n'y aurait pas d'autres nouvelles qui ont embarqué. Parce que c'est une semaine très tranquille côté jeux vidéo. Les nouvelles, tout ça, je pense qu'on attend plus le mois de mars pour commencer à partir préparer des rumeurs puis nous sortir des bonnes idées. Attends, je pense qu'il y avait... On avait Ty qui nous jasait d'un jeu. En passant, ça sera pas très long. Sur Twitter? Ouais, sur Twitter. Jeuxvideo.com vont faire des prédictions le 13. Ah, ok. Dark Zilius nous dit que jeuxvideo.com, c'est des prédictions qu'ils vont faire mercredi. C'est pas l'annonce officielle. Je me suis OK. trompé. Mon erreur à moi. Gang d'assholes. Excusez-moi. Fait que merci Dave de nous dire. C'est vraiment le mercredi le 20 qu'on va avoir l'annonce officielle de PlayStation par rapport à la nouvelle PS4. Ça fait plaisir, je savais. T'as pas ça? Ah oui, wow, le film! Oui. Il va y avoir un film de wow qui a été annoncé. Et les nouvelles qu'on a présentement, ce serait un budget de 100 millions de dollars, ce qui est pas beaucoup si c'est un film avec des personnes. Enfin, moi, je présume que ça va être sûrement un film d'animation qui va se passer. Ce Et serait l'autre mieux. nouvelle, il y aurait une rumeur en ce moment, c'est que Johnny Depp aurait le premier rôle. Oh ouais. Excusez-moi, pardon. Ça serait très bon. La chose moi qui me fait peur, c'est sûr que ça soit un film d'animation. J'aurais peut-être aimé voir vraiment un film épique avec du monde, puis tu sais, un budget de 250 millions là. J'aurais vraiment vu quelque chose d'épique avec des maquillages puis tout ça. Parce qu'un film de 100 millions de wow, ça se voit pas. Moi, j'ai de la misère à croire qu'on peut faire quelque chose de bon avec 100 millions. Juste le Seigneur des Anneaux, la trilogie complète a coûté quasiment 500 millions complet. Là. Fait que C'est un monde qui est tellement vaste aussi que tu peux pas le réduire à une partie de ce monde-là. C'est ceux qui ont joué à World of Warcraft le savent là, à quel point c'est il y a tellement que à quel point que les personnages peuvent être différents, à quel point les mondes sont différents, à quel point les quêtes sont différentes d'un monde à l'autre aussi. Fait que condenser ça à un film, je pense que c'est un méga défi aussi là. ils vont juste comme. Ils ont le choix, en fait. Soit qu'ils vont faire une nouvelle histoire carrément ou une nouvelle quête carrément, ce serait dans leur intérêt, selon moi. Moi, leur défi aussi, c'est de faire que. C'est parce que les deux côtés dans World of Warcraft, l'Alliance et la Horde, Ouais. c'est pas vraiment des gentils, c'est pas vraiment des méchants. Personne n'est méchant. Hein? Personne n'est méchant, vraiment. Il va falloir qu'ils trouvent un méchant, puis s'ils font une continuité à World of Warcraft, faut qu'ils me trouvent un méchant qui va vraiment m'impressionner, parce qu'en ce moment, celui qui va vraiment faire quelque chose, puis qui le méchant que j'ai trouvé le plus hot, c'était le Lich King. Arthas, que fait un bout qu'on n'a pas eu depuis qu'il est mort dans le troisième jeu, dans la troisième expansion. Il n'y a rien eu d'autre. Il y a eu comment il s'appelle dans Cataclysm? Comment il s'appelle ce dragon-là? Deathwing. Deathwing, que c'était un méchant, oui, qui était présent. Ça, je le dis, il est très, très présent. Mais je le trouvais pas aussi écœurant que Arthas. Oui, mais si ça fait avec Arthas, ça va prendre une trilogie parce que ça part de Warcraft 3, là. Oui, t'as bien raison. Tu vois, Ty, lui, il dit qu'il espère qu'il jouera pas un rôle à la Jack Sparrow. Non, ça m'étonnerait bien gros qu'il fasse un Jack Sparrow si. M'étonnerait beaucoup aussi connaissant le monde. Excuse-moi, PL. Moi, je lui ai dit, c'est quand même un bon acteur, Johnny Depp. Il peut faire quand même n'importe quoi. C'est un acteur qui est très très polyvalent, puis c'est un gars. Peu importe le genre de film, il va être bon pareil. Je me rappelle d'un film qui avait peu de budget, qui s'appelle Par la peau des dents. C'est un film qui est sorti en 96-97. Oui. Puis c'est juste un film de suspense, mais. Tu sais, genre, c'est un gars qui essaie de sauver sa fille, puis qui. Le seul moyen, genre, c'est qu'il sauve sa fille qui a été kidnappée, c'est d'aller tuer une sénatrice. Rien que ce budget, rien que cette histoire-là, mais il est très bon là-dedans, là. Puis c'est pas une histoire que tu vas voir à faire des milliards, là. Mais le film était très bon. Puis autant qu'il est capable. Moi, je pense à la 13e porte de Parce que dans le Polanski. fond, c'est quelqu'un qui adore et qui veut s'investir quand il fait un film. Il veut pas faire lui le dit souvent, mais lui le dit souvent, ou plutôt il dit que l'argent, c'est pas la raison principale pourquoi il fait du acting, c'est vraiment pour le plaisir de la chose. Tout à fait. C'est vraiment le plaisir de faire du acting puis de jouer des bons rôles, sérieusement. C'est ça. Il va choisir ses rôles aussi. C'est ça. Je pense qu'on va embarquer tout de suite dans le thème du podcast parce qu'on veut faire un petit podcast aujourd'hui. On va embarquer avec la Saint-Valentin. Oui, même nous les geeks, on vit la Saint-Valentin. On est en couple, les quatre ensemble, on a chacun un couple. Donc le plus connu, moi et Marilyn. Et il nous arrive à faire des activités ensemble parce que, je veux pas, on est en couple. Et on va essayer aujourd'hui de trouver des activités qu'on fait en couple. En couple, mais qui sont geeks. Soit des films, des séries télé, des jeux vidéo. qu'est-ce qu'on peut faire en couple pour la Saint-Valentin? Jouer à World of Warcraft. C'était pas très romantique, par exemple? Ça peut l'être. Ça peut l'être. Si tu fais un mariage en WoW, oui. Non, tu peux profiter de l'event Love is in the Air dans World of Warcraft. Ouais. Tu veux-tu nous l'expliquer, Sylvain? En fait, c'est... Dans World of Warcraft, tu as des events pour chaque grosse période de fête, comme la Saint-Valentin, qui dure à peu près une semaine. Puis, ben, il faut que tu fasses des trucs qui ont rapport à la Saint-Valentin. Puis, ça s'appelle Love is in the Air. Il faut que tu ramasses des. Il faut mettre du parfum sur du monde. Puis, envoyer des cœurs. Puis, ramasser des Love Tokens. Puis, acheter faire des affaires câlins. Utiles. C'est ça. Ben, ça donne des affaires bonus dans WoW. Mais, je te dirais, moi, c'est jouer à WoW avec Marilyn. Ça nous arrive quand même souvent. Mais on a du fun parce qu'on s'entraide en jouant. Comme par exemple, elle a sa mage. Moi, j'ai mon monk. Fait que moi, je suis capable de tanker pendant qu'elle a fait des bons dégâts sur le monstre. Fait que on s'entraide beaucoup. Puis on monte les niveaux quand même assez rapidement en jouant à deux de même. Tout comme toi, Sylvain, et ta copine. Vous jouez également à WoW en même temps et ça paraît également dans les niveaux où vous êtes plus loin que nous autres. Mais oui. Puis ils ont commencé à jouer après nous autres. Ouais, ben là, ça dépend. Là, on parle de nos nouveaux personnages ou nos anciens? Les nouveaux. Les nouveaux! Ah, les nouveaux, on y joue plus, on n'a plus le temps pour faire Pandaria. Oh my god. Ouais, c'est ça, les défaites. On level nos anciens ensemble, c'est une activité de couple. Nous autres aussi, on pourrait le faire, mais c'est parce qu'il faudrait payer les transferts, parce qu'on a changé de serveur. Pas besoin que le nouveau système, tu peux inviter quelqu'un qui est dans ta liste, puis tu vas être à côté de lui, peu importe le serveur. Ouais, mais... On est avec toi, Ben? On est sur le même serveur, non? Non, quand on est allé à Mountain Core, on n'était pas sur le même serveur. Ah! Non, mais c'est nouveau, on connaît ça. Moi, le cave, là! J'ai transféré un personnage pour rien. Bon, tu m'en veux, là? Hey, je suis rendu 90 quasiment avec Taleri, là. Calme-toi, rétro. Calme-toi. Je suis déjà 90, là, ouais, grouille. Moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que je vois à WoW. Ben, moi aussi. Non, toi, tu fais pas de vidéo, c'est ton site. Toi, t'es en pause jusqu'en mars. Ben, ouais, c'est ça, jusqu'en mars. C'est ça. Il me reste 3 semaines. Justement. T'as 3 semaines pour t'avancer. Parce que moi, j'ai un podcast animé, j'ai du montage à faire. Hey, j'étais au podcast aussi. Ouais, oui. Mais après, il y a de la job pour moi. Et j'avais une fête organisée en plus, la mienne. Et PL peut le dire, il était présent à ma fête également. Il a eu beaucoup de plaisir. Et voilà. Mais sinon, il y a d'autres choses également qu'on fait ensemble. Marie, nous autres, on aime ce qu'on aime aussi, c'est écouter des séries de télé. Ouais. Et on en a découvert beaucoup ensemble. En effet. Par exemple, vas-y, je te laisse y aller. Big Bang Theory. Alors, pour le monde qui ont pas la caméra, qui nous écoute en différé, elle a montré sa peluche de Big Bang Theory, qui est une petite... un chat qui s'appelle Soft Kitty. OK. D'accord. Et quoi, on veut de rendre Sylvain totalement... Si tu comprends pas pourquoi qu'elle chante ça, ben, t'es dans le marde un peu, parce que c'est une des meilleures parties de Big Bang Theory, à vie. Alors, pendant l'été, parce que j'ai découvert la série quand, je pense, au mois de juillet, et on s'est tapé les 5 saisons en quelques semaines seulement, tellement qu'on a aimé la série. Puis c'est rendu notre dada, c'est quand il y a un nouvel épisode, où ben on s'en va louer les DVD, ou on s'en va s'acheter les coffrets, puis on écoute ça à... Quasiment, on peut en écouter 8 d'affilée, là. Mais une autre série qu'on a commencé à écouter ensemble, que tu m'as fait découvrir à nos débuts ensemble, c'est Smallville. Oui, dans le temps que c'était bon. Dans le temps que c'était bon, là. La BD Mais était bonne? ça... ben les premières séries, oui. Ça s'est aggravé pas mal à partir, je te dirais, de la septième saison. Sixième, septième, là, c'est là que ça venait comme, OK, les histoires se répètent de plus en plus. Puis, je me rappelle, je pense que c'est Arcarus qui nous disait ça au dernier podcast, qui Ouais. disait que Smallville, c'était trop long, ça aurait dû être deux saisons plus courtes. Et je suis d'accord avec. Mais en On même dirait temps, que... les gens le demandent. Je veux dire, veux-tu vraiment ignorer Il y avait quand même un auditoire, c'est ça le pire. le... Sauf que il y a vraiment une démarche dans un épisode de Smallville que tu vois. Il arrive de quoi dans la vie de Clark? Il y a un méchant qui arrive, nowhere. Il se passe de la merde. Clark est fini. Ben C'est oui. le packaging Ben d'un oui. épisode de Smallville. Ah oui. C'est la seule chose qui est plate. Parce que sinon, le reste, la série, écoute, les premières saisons, moi, je trouvais ça très, très intéressant. L'idée de voir Clark jeune, puis d'essayer de dealer avec une vie humaine, mais en même temps de dealer avec ses pouvoirs, si tu veux pas. Adolescent aussi. L'adolescence aussi. Écoute, moi je pense que tu mentionnes ça, moi je pense à ta BD que tu as fait une review en plus, Part Earthworm. one, oui. Les premières pages, c'est ça. C'est Superman, c'est Clark Kent, John, qui se demande si vraiment il veut devenir un super-héros ou non. C'est ça, il est torturé dans Earth One, puis la série continue, là, je vais acheter le 2 dans pas long, mais tu le vois dans la première BD, il est comme, regarde, ça me tente pas d'être Superman. Et, puis on le comprend, là, lui, il aurait juste voulu vivre une vie humaine totalement normale, mais non, il est avec quelque chose pour sauver, il est né pour être un sauveur. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai comme aimé la série Smallville, parce que ça apportait ce côté-là qu'on n'avait pas dans les films, surtout. Puis dans le temps, quand j'ai découvert Smallville, je connaissais pas les BD. J'avais juste connu les films. Fait que c'était une facette différente du personnage que j'avais découvert, finalement. Sinon, Mary, on a découvert une autre série ensemble. Plusieurs autres séries, mais pas nécessairement geek. Ben, il y a Buffy. Oui. Buffy contre les vampires, qu'on a écouté deux saisons. Une petite affaire. En ce moment, mettons que Big Bang a pas mal pris la place de ce que c'était Buffy, mais Buffy, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, puis qui est geek aussi, que j'ai vraiment découvert il y a quasiment une dizaine d'années, puis j'ai encore du fun à réécouter la série, parce que Buffy est juste hot. C'est un personnage féminin qui est fort, puis que autant qu'une fille qu'un gars peut s'identifier à ce personnage-là. Ça fait du bien. Moi, ça fait du bien. En effet. C'est sûr que si je ressemblerais à Sarah Michelle Gellar, je pense que je me poignerais à J'aurais envie lui. de t'embrasser. Ok, là, j'ai une drôle d'image en tête. Là, je vois Retro Gamer PQ avec une perruque blonde. Avec un pieu les mains. Marilyn Mais qui es-tu, Edward? Beaucoup d'imagination. Ouais, puis moi, je pourrais porter un coat en cuir à la Angel. C'est du gros n'importe quoi. Mais vous autres, les gars, qu'est-ce que vous faites avec vos blondes d'habitude quand vous passez du temps avec eux autres? À part bécoter et faire des choses qu'on fait XC privé dans la chambre? Ah, ok, tu veux pas qu'on parle de ça? Fuck. Non. Ben, Il y a des jeunes qui nous écoutent. écoute. Ah, Lynn. On fait l'épicerie, on fait les comptes. Vous jouez pas à des jeux vidéo ensemble? Ben oui, c'est sûr, on joue À à WoW. part WoW, Ben, on écoute des séries TV. qu'est-ce que vous écoutez? Ben, on écoutait Stargate SG-1 dans le temps, Stargate Atlantis. C'est J'avais bon, fait ça. découvrir Stargate SG-1 à ma blonde, puis elle avait carrément aimé ça. On écoute Supernatural. Ça, c'est une série que je vais écouter avec Marie. Ça, c'est une très bonne série. Puis ben 19-2, qui est la seule série québécoise que j'ai écoutée depuis que j'ai 6 ans. Fait que... Ouais. Marie, elle monte son coffret Oh, 19-2, puis Alléluia! on va finir dans quelques minutes en plus parce qu'elle veut aller écouter la Oui, parce que suite. je veux pas manquer Claude Legault et ses belles fesses tout nues, bon. C'est pour Hey! ça. On se calme, t'enregistres. Pas Oh grave, my god! ça. Un Tout le pas de monde sait quatre que mètres, Claude un pas Legault a de des quatre belles fesses tout nues, bon. mètres. Bon. Urgh. Ben, aïe. La raison pourquoi je l'ai pas écouté la semaine passée. Non, c'est dans le podcast la semaine passée, c'est une différence. C'est vrai, j'étais un cactarus. EPL. Et Sébastien ou Gamache? Gamache? La selle. Appel. Mais mettons qu'on était pas mal occupé la semaine passée, puis je l'ai pas encore écouté sur tout.tv, fait que. Shame on you, shame on you. Surtout après le premier épisode qu'il y a eu, c'est la première épisode de la deuxième saison, là, elle comme était wow. Vraiment, vraiment le fun. Ben, le fun. Ça shake en dedans, Ça mettons voulait les donc émotions. aller juste voir les fesses de Claude Legault, là. Shame on you. Si les fesses de Claude Legault sont aussi importantes que de partager ta geekerie avec les accros, là. Ah! Ouais, mais je le partage tout le temps avec vous autres. Claude Legault, c'est une fois par semaine. Vous autres, je vous vois plusieurs fois par semaine, des fois. Pas par toi-même. Ok. PL, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais avec ta blonde d'habitude quand vous voulez passer du temps ensemble? Nous, c'est relativement. C'est assez simple. C'est pas mal la même chose que quand on est ensemble. C'est en fait. C'est également. C'est moins de télé que vous autres, par exemple, parce que moi, je suis pas vraiment un grand écouteur de télévision. Et quand on est chez moi, mais moi, j'ai pas le cœur parce que la télé ne m'intéresse pas. Fait que le plus qu'on peut faire, sinon, côté jeux vidéo, Trinity et moi, c'est. On joue à Kirby, on joue à Kirby ensemble, on joue à Lollipop Chainsaw ça ensemble, on a joué, récemment on a joué ensemble à des jeux de sur Sega Genesis au PlayStation 3, tu sais, le Sonic Collection, je pense c'est pas, oui, Sonic Collection. Sonic Ultimate Collection, quoi d'autre. J'ai récemment acheté Sin and Punishment Star bon, bravo, j'ai perdu le Sin and Punishment sur la Wii. Qui, vu que pour deux raisons, l'une, premièrement, ça joue à deux, et deuxièmement, il est en français. Trinity, son anglais est malheureusement limité, fait que je me suis dit, bon, moi, on peut jouer à deux, le jeu est en français, ben, j'ai fait cet achat-là pour avoir une raison de passer du temps aux jeux vidéo avec Trinity que de. Pour moi-même. Mais de ce que j'ai vu dans les reviews, de toute manière, ça va être un bon jeu pour la Wii. Non, c'est. Sinon, pour être honnête, c'est beaucoup on se colle ensemble. Simplement, puis on parle. Je pense que c'est l'âge, en fait, dans notre cas aussi, qui nous pousse à agir de la sorte. C'est beaucoup de on se colle ensemble. Je vais regarder rapidement sur Twitter parce que le monde nous jase quand même sur Twitter. Bon, on va faire un petit Twitter, puis il y a Tag qui nous pose énormément de questions, mais c'est lui qui prend pas le hashtag accro, il prend le A commercial accro des jeux, fait qu'il. Dans le Mais fond, c'est il. ça, moi je le vois parce qu'il jase sur mon compte à moi. Ouais. Il jase de beaucoup, beaucoup de choses, excuse-moi. Je pourrais pas tout te jaser ce que tu écris, mais je vais y aller avec les choses qui sont un petit peu plus Ben, pertinentes. c'est pour ça que j'ai dit que c'était plus facile si tu nous mettais hashtag accro des jeux, parce que c'est plus facile pour moi, puis même pour toi, je te dirais de tout compliquer. Fait que rapidement, ben écoute, nous conseille le film Zombie malgré lui qui est au cinéma en ce moment. On est posé de le voir justement, Trinity et moi, soit demain, soit mercredi. Ça tombe bien. Moi, je vais être plus en DVD, je te dirais. Moi, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse parce qu'il est quand même bien coté à la plupart des places. Fait que ça va être un film, je vais voir s'il est assez gore ou pas parce que Marie est moins tripeuse de films d'horreur que moi. Fait que c'est sûr que ça limite les choix. Ça n'a pas l'air d'être parti pour être gore. Ça a l'air d'être un mélange de Shaun of the Dead, mais avec plus des jokes légers. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est sûr qu'elle, qui s'y avérait, quand, par exemple, un zombie avec un trou ici, ça y ferait de quoi, tu sais. Ben, ça dépend, là. Non, c'est quoi? Seulement, j'ai tendance à croire Big Ben. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu me crois pas, moi? Parce que tu me tires la langue. C'est pas grave, j'ai le droit. Hop, tabarouette. C'est pas parce que toi, t'as une webcam que tu me tires la langue. Alors, sinon, à part ça, on a Dave qui nous jase, qui dit que lui, il a joué à Heavy Rain avec sa blonde, avec son ex-copine. Puis qu'elle a même braillé tellement que l'histoire lui a touché. Ah, oh, ouais? Mm-hmm. C'est ce qu'il dit. Puis de ce que j'entends des critiques, oui. Puis c'est un jeu que j'ai pas encore. Fait que ça va être à regarder prochainement. Je vais. T'aimes-tu les jeux avec beaucoup de. Beaucoup de Quick Time Event? Plus ou moins, je te dirais. Shenmue, j'ai aimé, mais tu sais, ça a comme arrêté là. J'ai pas trippé après ce God of War ou. Oui, mais c'est pas mal que ça. Heavy Rain, c'est. C'est très donné par le Quick Time Event. Ils ont des idées. Sinon, je te dirais qu'il y a vraiment un manque consistant. Mais si toi, tu regardes pas ça, ouais, tu peux peut-être aimer Heavy Rain. C'est juste que. C'est juste un manque consistant. J'aurais juste à couper PL parce que Marilyn va s'en aller. C'est son show. Et elle tient absolument à aller voir les fesses de Claude Legault. Fait que Marie-Lune, merci beaucoup d'être présente. Comment qu'on peut te rejoindre sur Internet? Oui. Bon, ben, sur Twitter, c'est terrien.terrienmariève. On peut me rejoindre sur le forum d'accrodesjeux.com en tout temps. On peut me rejoindre sur ma page YouTube. On peut me rejoindre également sur une autre chaîne YouTube qui est Vlog de Marie. Également, il y a Instagram à Vlog de Marie-Lune, également, que vous pouvez vous abonner. Ça va me faire plaisir de vous dire salut là-dessus également. Et il y a un nouveau courrier, un courriel depuis janvier, Vlog de Marie-Lune à commercial@gmail.com. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Fait que, salut tout le monde! Bon, bonne fin de podcast. Bye bye! Bon, donc, on est entre gars. sinon, à part ça, on a Patrick Archambault, notre cher ami qui était présent la semaine passée. Oui, c'est Actarus qui nous dit que il nous dit que son breaker a sauté en plein test de Dead Space 3. Oh my god! Pauvre oh de lui. Fait qu'à cause de ça, il est pogné pour nous écouter. Pauvre toi. Aïe! C'est plein. Fait que si on comprend bien, Dead Space 3, c'est vraiment si puissant que ça. Ça a de l'air. Ben, coudonc, toi. Mais c'est notre cher ben, Rétro va le savoir dans pas long. Il va jouer aux deux. Fait que ça va lui dire si ça va être bon ou pas. En pensant que Tarus, il joue. Donc ça veut dire qu'il joue à Dead Space 3 sur l'ordinateur. Je sais pas, je t'avoue, là. J'ai pas vraiment regardé où est-ce qu'il l'a eu. Peut-être que, c'est parce que lui aussi, il est capable d'avoir des copies de des copies gratuites pour reviewer les jeux. Fait que des fois, il est capable de les avoir avant. Ah, le chanceux. Non, et Dave qui dit « Miam, les fesses de Claude Legault ». Ça se peut pour toi, mais pas pour moi. Et, ouais, mais écoutez, si le gars, il voit les fesses de Claude Legault puis il pense à du pain, c'est son choix. C'est totalement son choix. Oui. Fait que, ben, je pense qu'on va finir le podcast ici. Vu qu'on voulait faire un petit podcast aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, les gars, d'être présents. Merci à toi de nous accueillir. Alors, Antithèse, comment on peut te rejoindre sur Internet? On peut me rejoindre par email au intythes@yahoo.ca ou gmail.com. On peut me suivre sur Twitter sur. Antithèse 16, SAYS. Je suis également rejoignable par ma chaîne YouTube, mon contact télé. Mais je vous dirais que un des meilleurs moyens, ce serait sur le forum des accros sur accrodesjeux.com. Et, Esther Rétro, comment on peut te rejoindre sur Internet? Comme d'habitude, sur la page Facebook de RetroGamerPQ, par mon channel YouTube de RetroGamerPQ, sur le site des accros. Et comme Big Ben, et là je vous avertis tous, je ne prends pas les invitations d'être amis sur mon Facebook personnel. Ça a commencé? Eh oui. Comment ça va du monde qui nowhere? Moi j'ai eu une belle blonde aujourd'hui qui voulait m'ajouter. Ouais, moi j'ai des Claudine et des trucs, des Russes, etc., qui veulent s'ajouter par hasard sur mon Facebook. Mais c'est pas parce que je vous aime pas, là. C'est parce que mon Facebook, c'est pour ma famille puis mes amis proches. Et je suis un ami proche. Merci, Rétro. On va penser à toi, à ton mariage, t'inquiète. Je Mais te là. prépare un enterrement de vie de garçon que tu vas t'en souvenir. Eh, shit. Il est passé en Mais là. salle. Là, je suis jaloux, les gars. Je suis un peu jaloux, les gars. J'ai jamais personne qui me font des raquettes d'amis pour qui vient de la cour des jeux. Je comprends pas. Ben moi je sais pas s'ils viennent de la cour des jeux, mais c'est parce que je reçois du monde des fois qui sont amis, genre avec Review RCE et mettons Testeur Alpha, puis qui viennent m'ajouter, puis là je fais comme non, là, c'est. Dans ce C'est ça. temps-là, je refuse, ou bien tout simplement une belle blonde qui vient de Bosnie qui m'envoie un. Ça de là que je suis ami Non, avec elle. ça c'est suspect un petit peu, effectivement. Puis que tous ses amis, c'est des gars qui ont genre des États-Unis, là. T'sais. Fait que, mettons que non, c'est pas bébé mon genre, je suis pas bébé ami avec vous autres. Sinon, si vous désirez me rejoindre sur Internet, dans mon cas, vous pouvez me rejoindre sur la page des Accros des Jeux sur Facebook. Vous pouvez également m'écrire à accrosdesjeux@commercialgmail.com. J'ai du monde qui m'ont posé des questions par rapport aux différentes choses sur notre site Internet, ou également, ils m'ont posé des questions sur Magic the Gathering, puis ils m'ont posé des questions également sur Lord of the Ring Trading Card Game. Continuez de même, sérieusement, si vous avez d'autres questions, allez-y, posez-moi des questions directement sur le courriel, et ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, le forum des accros, allez-y, on a fait beaucoup de ménage. On a rajouté des sections pour que ça soit beaucoup plus clean. On a rajouté une section collection, une section manga, une section échange, vente. Alors, c'est beaucoup plus beau. Allez faire un petit tour juste pour voir si vous aimez ça. Et laissez-moi vos commentaires sur le forum. Puis, c'est à peu près ça. Le Facebook également, la même politique que Retro Gamer. Je n'accepte pas les gens que je ne connais pas. Et c'est fait ainsi. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent pour ce petit podcast des spéciales Saint-Valentin, où on n'a pas permis de parler de Saint-Valentin. On a Mais juste quand parlé même. de couple. Mais Quand c'est pas même. grave, c'est pas grave. Ouais, Bon, un petit soyez présents la semaine prochaine parce qu'on a un podcast des accros de l'animation avec une série qui est bien populaire ces temps-ci sur les internets et dans le monde geekly. On parle de Adventure Time! peu. T'as payé combien? Ou HMV? 20$ Pas cher, pas pour la cher. saison 1. Nice. Fait que, non, j'ai hâte de découvrir ça. Ça va être une série qui est assez fuckée, J'ai assez vu l'épisode, malade. c'est ces gens-là, j'ai ri, puis c'est la job, imagine. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Fait que soyez présents lundi 20h, où on va parler de cette série-là. J'espère que vous allez apprécier ce podcast-là. Pense que Entre-temps, Rétro n'est pas là. Et Rétro, c'est à son choix. Rétro est toujours invité, il a toujours une carte blanche pour embarquer dans le podcast des accros de l'anime, même si c'est pas son domaine. On y offre pareil. Ben, il a fait quand même les mondes de Ralph. Puis c'était Oui, un très bon effectivement. podcast. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Et Marilyn qui est partie pour le podcast des accros. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine.